de Nicolas de Boislève, La pièce fausse. À Edmond Jaloux. Un jour, M. Cantonnier, en fouillant son gousset pour payer un paquet de cigarettes, amena plusieurs pièces de monnaie blanche qu'il étala d'une main distraite sur le comptoir. La buraliste lui dit en souriant, comme un homme que l'on considère, « Ce n'est pas M. Cantonnier qui va essayer de me faire passer une pièce en plomb. » M. Cantonnier n'avait pas la vue bonne. Il fit sonner les pièces de monnaie sur le marbre et reconnut aussitôt la pièce au son mat. Il s'excusa, en rougissant, comme un tout jeune homme. Non, certes, il n'était pas homme à faire passer une pièce fausse. Non seulement il était riche, et pourra faire d'excellentes affaires, mais il était entouré du respect de sa commune pour n'avoir jamais agi en toute chose qu'avec la plus parfaite probité. Non, pourtant qu'il n'eût vécu en un temps où cette vertu était rare. Non, que les occasions ne se fussent offertes à lui de décupler sa fortune, à la fois dans les terrains et dans les draps. Mais il disait volontiers, quand ma fille aurait 800 000 francs de dot au lieu de deux, et un père taré, elle n'en serait pas plus avancée. M. Cantonnier, rentrant chez lui, plaça la pièce sur la cheminée en disant, « Je me serais laissé glisser une pièce fausse hier, au chef-lieu, il faut la mettre de côté, comme curiosité. » La bonne l'interrompit aussitôt. « Que monsieur me confie ça, je l'aurais fait bien vite passer. » Mélanie, fit M. Cantonnier, je vous croyais plus honnête fille. J'ai commis la sottise de me laisser refaire de 40 sous, n'en parlons plus. Mais je défends à quiconque, vis sous mon toit, de jamais frustrer son prochain, fût-ce de 50 centimes. Celui qui trompe pour une petite somme trompera pour une grosse et pour n'importe quoi. Madame Cantonnier donna grandement raison à son mari, de qui l'impeccable intégrité en plomb dans un tiroir de secrétaire, en compagnie de ces menus objets sans utilité et sans nom que trouvent les héritiers dans les vieux meubles de famille. Les deux époux s'assirent à table avec leur fille unique Cécile, et la tristesse qui affligeait depuis 2 jours la famille, parce qu'une présentation avait encore échoué, se trouva quelque peu atténuée par la profession de foi éclatante et sincèrement émue du scrupuleux papa. Objet de la plus pure tendresse de ses parents, Cécile venait de dépasser de 5 ans sa majorité, sans se pouvoir marier, malgré sa dot, et causait par là à papa et à maman grand chagrin, car ni l'un ni l'autre de ces bonnes gens ne songeaient au bonheur égoïste de conserver près de soi la chère enfant, et tous deux savaient que le seul bonheur possible pour le commun des mortels est d'avoir fait comme tout le monde. Pour la première fois, M. Cantonnier parla de conduire la jeune fille au bain-de-mer. Il pensait, sans toutefois l'exprimer, que l'on trouve à la rigueur, dans ces agglomérations improvisées et artificielles, ce qui ne s'offre pas toujours dans le milieu régional. « C'est juste, opina Madame Cantonnier, et ce ne serait pas une mauvaise idée. Mais pour aller au sable ou à la bolle, il me semble indispensable que Cécile soit habillée. »« Qu'appelles-tu habillée ?» demanda le père. « J'entends que nous ne pouvons pas, dans ces stations, toujours un peu cosmopolites, avoir l'air d'arriver de Chaussigny sur Euse. » Monsieur Cantonnier réfléchit. Puisqu'on abordait le chapitre de la toilette, il avait lui aussi une idée à suggérer. Elle était d'un ordre plus délicat, et la formule n'en vint pas aisément à ses lèvres. Il voulait la tourner avec élégance et n'y réussit pas. « Il y a aussi, dit-il, la question de la dent. » Oui, bien, il y avait la question de la dent. Faute de se décider à aller à temps au chef-lieu, on avait laissé, hélas, s'altérer dans la bouche de Cécile la première molaire à gauche, et faute d'un dentiste compétent ou suffisamment adroit, la dite molaire avait été non pas soignée, mais arrachée. Quand Cécile souriait, quand elle parlait même, la brèche était visible. En son fort intérieur, M. Cantonnier pensait que cette disgrâce physique l'avait de tout temps rendue fière, et elle mit la pièce, était pour beaucoup dans l'échec de la présentation dernière, et peut-être des précédentes. « Des disgrâces physiques, ta fille en a bien d'autres, le lui soufflait la vérité qui nous parle intérieurement. » Cécile, il le fallait reconnaître, était peu avantagée du côté de la poitrine, et ses cheveux, secs et pauvres, lui se nuit franchement sans le secours des postiches, qui sont tout à fait admis. La vanité paternelle n'aveuglait pas non plus M. Cantonnier, au point qu'il put oublier qu'on avait réussi à enseigner à Cécile aucune vertu domestique. Elle était désordonnée, étourdie, indifférente, ignorait le prix des denrées, comme les 1000 détails du ménage, comme l'orthographe et le piano. Monsieur Cantonnier chassait ces réalités démoralisantes, étant tout entier, pour le moment, au voyage de Paris, que rendait nécessaire la question de la dent, et qui devait évidemment précéder la saison des bains de mer. Le chirurgien américain, consulté sur la question, déplora l'état de la bouche de Cécile et dit que deux autres extractions étaient indispensables pour une mise en état. Et il expliqua qu'il jetterait un bridge et que les apparences seraient sauvegardées. La maman s'effara. Cécile devrait-elle avouer cet appareil à son futur mari ? À son mari, s'il s'en aperçoit, Cécile n'aura rien à cacher, dit M. Cantonnier. À son futur, elle peut se dispenser de la déclaration. Qu'est-ce qui n'apporte avec soi quelques défauts ? Il en est des plus graves. Lorsque Cécile eut de l'or plein la bouche et les dents éblouissantes, son papa l'a prié à tout propos de sourire, et il la contemplait avec satisfaction. On se fit aussi habiller pendant qu'on se trouvait à Paris. Et Cécile porta des corsages un peu chauffants pour remédier à l'inconvénient du buste trop garni. Vint ensuite l'été, et l'on partit pour la Bolle, plage récemment mise à la mode. Nombre de jeunes gens séjournaient à l'hôtel avec qui l'on eut tôt fait de connaissance. En un clin d'œil, M. Cantonnier avait jugé et mis à part ceux avec qui une liaison pouvait être fructueuse. Pour les promenades, les parties, en commun, reçurent l'approbation du père de famille. Mais il était hésitant encore quant au bain, et il le dit confidentiellement à sa femme. « Souviens-toi que le docteur, en consentant d'ailleurs de mauvaise grâce à la mère, nous a conseillé une extrême prudence. Il n'y a que 2 ans et demi, songes-y, que le poumon de ta fille est cicatrisé. » Et la maman songeait en effet, en frémissant, à cette alerte terrible qui, quelques années auparavant, avait secoué la famille, alerte que l'on s'efforçait d'oublier, que l'on taisait soigneusement. « Son poumon par-dessus le marché, dit-elle. « Chut, fit M. Cantonnier. » Mais durant qu'il parcourait solitairement les rues de la Bolle, l'attention de M. Cantonnier fut attirée un beau matin par un étalage d'objets singuliers. Ils étaient faits de gaze bleue, céleste ou rosâtre, affectaient l'apparence de corsets impondérables, dont les protubérances nettement hémisphériques étaient soutenues par de fines baleines inapparentes et légères. Seins aériens, gorge de fée, et parmi les objets singuliers, sur un pupitre à musique, s'étalait d'un carton portant en lettres capitales Angélique Armada, créatrice de l'insoupçonnable, modèle déposé. Sans barguigner, le père de Cécile entra, choisit, ne lésina pas sur le prix, et emporta 2 spécimens de l'insoupçonnable créés par Angélique Armada. Un pour la ville, l'hôtel, la promenade, sous le bouffant, dit-il à sa femme en rentrant. « Et à présent, si tu tiens à faire prendre des bains à ta fille, étant donné le costume que l'on porte aujourd'hui, tâche qu'elle s'adapte à seconde paire et vous avez l'air d'être un peu là. Mais voulez-vous marier votre fille, Madame Cantonnier, oui ou non ?»